Bonjour les amis, bienvenue à FrenchPod. This is the upper intermediate lesson. Je m'appelle Eric. Je m'appelle Amaury. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle leçon. Oui. Alors, cette leçon en même temps fait partie de notre série sur Londres. Aujourd'hui, nous avons un contexte charmant puisque nous avons un couple d'anglais qui sont en France et qui ont donc décidé de franchir une nouvelle étape dans leur apprentissage de la culture française. C'est peut-être l'étape finale. Peut-être. Alors on verra ce qui va se passer. Oui, on va écouter ce dialogue. Bonne idée. C'est parti. Alors comme ça, vous venez de Londres ? Oui, de la banlieue. Nous avons décidé d'acquérir une maison dans le sud de la France. C'est un peu notre rêve. Vous connaissez déjà le coin ? Très bien. Nous venons chaque été en vacances dans cette région depuis plus de 15 ans. Comme nous envisageons même d'y passer notre retraite, nous pensons qu'il est temps d'arrêter de louer. C'est une décision tout à fait sensée. J'ai justement une villa à côté de la mer à vous proposer dans un petit village près de Bordeaux. Un vrai bijou. Oh, au bord de l'eau et près des vignes ? Formidable ! Combien y a-t-il de chambres ? 3 chambres, parfait pour accueillir la famille, et 8 pièces au total. Chauffage central, cuisine équipée, garage et un jardin de 200 mètres carrés. Merveilleux. En plus, vous ne serez pas complètement dépaysé. Il y a déjà 4 couples d'anglais qui se sont installés dans la bourgade depuis le début de l'année. Nous revoici. Alors nous avons donc ces deux Londoniens oui. qui ont l'air assez motivés pour s'installer en tout cas sur le territoire français. En fait, ils viennent de la banlieue. Oui, donc ce qu'on comprend par banlieue, ce n'est pas le centre-ville. Oui. Ce sont les quartiers qui sont autour. Mmh. Et même à Londres, il y a une grande banlieue parce que Londres est tellement étendue comme ville. Et peut-être c'est pour ça qu'ils veulent s'installer en France. Mmh. Ici, ça va quand même être à la campagne. Ils ont peut-être besoin de verre. Alors, ce couple d'anglais, ils sont en France chez un agent immobilier, n'est-ce pas ? C'est bien ça, oui. C'est l'étape, la démarche normale à faire quand on veut acheter une maison ou un appartement ou pour ceux qui ont de la chance, un château. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont acquérir une maison en France ? Comme ils le disent, c'est un peu leur rêve. C'est un peu notre rêve. Mm-hmm. L'expression « un peu » ici, ça veut dire comme « sort of »,« kind of ». Exactement. C'est un peu notre rêve. Mm-hmm. C'est un peu leur plus profond désir d'acheter en tout cas une propriété dans le sud de la France. Alors, ils voulaient toute la vie acheter une maison en France. Mm-hmm. C'était un peu leur rêve. Ouais. Toute leur vie, ils le disent bien, ils sont venus en vacances depuis quelques années maintenant. Combien d'années déjà ? Je crois plus de 15 ans. Ça commence à faire pas mal d'années. Leur rêve a mûri un peu peut-être aussi. C'est devenu de plus en plus présent. Mm-hmm. Et là, on dirait que ça se transforme en réalité. Le rêve devient réalité. Alors pourquoi maintenant ils décident d'acheter une maison après toutes ces années ? C'est-à-dire qu'ils ont plus envie de dépenser de l'argent en louant des maisons ou des appartements comme ils faisaient là d'habitude depuis 15 ans. Mais une autre raison aussi. Ah bien sûr, ouais. Et après, évidemment, une fois qu'ils auront acheté cette maison, elle sera disponible pour leur retraite. Parce que, évidemment, la retraite s'avance. Et oui. Et c'est pas loin dans l'avenir. Voilà. Ils ne sont pas encore sûrs d'y passer leur retraite. Mais comme ils aiment beaucoup la région, ils envisagent de s'y installer pour leur retraite. Donc ils ont ça dans l'esprit et ils y pensent très fortement. Et en plus, il est temps d'arrêter de louer et avoir une propriété à eux. Voilà. Arrêter de payer lors de la location et finalement, ils n'ont rien après. Et l'agent immobilier, comme tous les agents immobiliers, ils sont toujours d'accord avec client, quoi. Et ils trouvent que oui, c'est une décision tout à fait sensée. Ouais. Sensée, ça veut dire quoi ? Alors, sensée, ça vient du mot sens. En fait, ça veut dire qui a du sens. C'est une décision qui a du sens. Une décision qui est réfléchie, qui n'est pas bête. Qui est sage. Intelligente, exactement. Très sensée. Voilà. Tout à fait sensée. Ah oui, ils pensent que c'est une très bonne idée, à mon avis. And, par hasard... Il a justement ce qu'il faut, au bon endroit, au bon moment. Alors, justement, dans cette phrase-ci, j'ai justement une villa à côté de la mer. Pourquoi il dit justement ? Car au moment où ils viennent pour acheter cette maison, à ce moment-là, c'est le moment exact où l'agent immobilier a une proposition pour eux. C'est un peu une mélange de en fait et par hasard. Voilà, oui. Et en anglais, c'est happen to or actually. Mm-hmm, oui. I just happen to have. Uh-huh. Oh, j'ai justement une villa à côté de la mer à vous proposer. Près de Bordeaux. C'est parfait. Et cette villa, c'est un vrai bijou. A real gem. Et toi, Marie, tu l'as dit cette expression ? Oui, parce qu'on peut l'utiliser avec d'autres choses. En parlant d'une voiture, pour ceux qui adorent leur voiture. Et tu dirais, c'est un vrai bijou. Un vrai bijou, cette voiture. Oui, c'est pas mal en fait. C'est au bord de l'eau, près des vignes. Formidable. Mais bon, est-ce qu'elle est assez grande maintenant ? Well, il faut demander. Ça, c'est la question. Combien y a-t-il de chambres ? Combien y a-t-il de chambres dans cette maison ? Alors, nous avons 3 chambres ici. Pas mal, 3 chambres. Oui, donc parfait pour accueillir la famille. So, c'est parfait pour accueillir la famille. Mm-hmm. Et combien y a-t-il de pièces au total ? Il y a 8 pièces au total. Et dans ces 8 pièces, on a tout ce qu'il faut. Un chauffage central. Dans le sud de la France ? Oui. Pourquoi on a besoin d'un chauffage central ? Il fait chaud tout le temps, non ? Non. Ok. Malheureusement, non. Durant l'hiver, il peut quand même faire assez froid. Mm. Il ne fait pas moins 10 degrés, mais... On a besoin de chauffage, je peux te le garantir, Erika. Ok. Et puis, aussi une cuisine équipée. Oui. Équipée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une cuisine avec les appareils électroménagers nécessaires. Une cuisinière, un four, un réfrigérateur. C'est equipped. Une garage et un jardin de combien de mètres carrés ? 200 mètres carrés. C'est merveilleux. C'est fantastique. Et en plus, il reste encore un détail. Et en plus, il se retrouve avec des compatriotes anglais, puisqu'il y a déjà 4 couples qui se sont installés. Dépaysés. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on voit le mot « pays » qui est dedans, avec le préfixe « dé » qui donne la signification « qu'on ne connaît pas le pays ». C'est-à-dire qu'on ne se sent pas dans un environnement qu'on connaît. Can mean disoriented. Voilà. But it's kind of a word, un mot forcé en fait. Il n'y a pas vraiment une traduction. Mm. Parce qu'il y a déjà 4 couples d'anglais. Ouais. Now, c'est un peu bizarre comme construction. 4 couples d'anglais. Et pas couple anglais. Couple de anglais. Ouais. Donc ici la tournure, c'est de dire couple de. Mm-hmm. C'est le mot couple en fait. Voilà. Qui au niveau du sens ici demande d'avoir le de pour spécifier qui fait partie de ce couple. Donc ce sont des Anglais. Ok, c'est quoi une bourgade ? C'est un synonyme du mot village. C'est un petit village. Ouais, un village, mais on dit une bourgade. Une bourgade. Ouais, c'est bien ça. On va réécouter maintenant ce dialogue. Alors, comme ça, vous venez de Londres ? Oui, de la banlieue. Nous avons décidé d'acquérir une maison dans le sud de la France. C'est un peu notre rêve. Vous connaissez déjà le coin ? Très bien. Nous venons chaque été en vacances dans cette région depuis plus de 15 ans. Comme nous envisageons même d'y passer notre retraite, nous pensons qu'il est temps d'arrêter de louer. C'est une décision tout à fait sensée. J'ai justement une villa à côté de la mer à vous proposer dans un petit village près de Bordeaux. Un vrai bijou. Oh, au bord de l'eau et près des vignes ? Formidable ! Combien y a-t-il de chambres ? 3 chambres, parfait pour accueillir la famille, et 8 pièces au total. Chauffage central, cuisine équipée, garage et un jardin de 200 mètres carrés. Merveilleux ! En plus, vous ne serez pas complètement dépaysé. Il y a déjà 4 couples d'anglais qui se sont installés dans la bourgade depuis le début de l'année. Nous sommes donc de retour. Ok. Et ce n'est pas un fait exceptionnel vraiment qui se passe dans cette leçon aujourd'hui. Right, this is actually very common. Uh-huh. First of all, this lesson was because we're having our London theme this month. Exactement. Mm-hmm. So one good topic we thought is this is the kind of phenomenon that goes on in France, right? Ouais, bien sûr. Depuis pas mal de temps maintenant, il y a beaucoup d'Anglais, pas seulement des gens de Londres, qui sont venus acquérir une propriété, une maison en France. Especially to pass their retirement a lot of times, right? Aussi, ouais. But even just at all. Bien sûr, pour passer les vacances. So this could maybe be a useful, practical lesson. You're one of those people to be able to talk to the real estate agent, right? Voilà. Savoir combien y a-t-il de chambres dans la maison. So is it the opposite way too? Do French people pass their retirement in England? Ça, c'est pas très courant, par contre, non. Je n'ai pas entendu parler de beaucoup de personnes qui faisaient le chemin inverse. Donc, il y a beaucoup de choses exceptionnelles et magnifiques en Angleterre, mais c'est vrai que ce que les gens recherchent ici, quelque part, c'est avoir un peu plus de soleil quand même, parce qu'il y en a quand même plus dans le sud de la France. Yeah, people do generally go for their retirement towards the south. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Where the weather is nicer, right? Mm-hmm. Donc voilà, quand même, on est très heureux d'avoir aussi tous ces Britanniques qui viennent aussi en France, parce que beaucoup vont s'installer dans des petits villages où parfois il n'y a plus grand monde, tu vois. Mm-hmm. Et finalement, le village se repeuple grâce à ces touristes ou bien ces gens qui viennent s'y installer. Et ça redonne de la vie au village et je trouve ça vraiment une bonne chose. Oh, well, that's great. Mm-hmm. Ouais. Donc comme Tina a dit, c'était une leçon aussi pratique. Mm-hmm. Yeah, and even if you're not British, moving to France. Mais oui, venez tous en France. Une fois que vous aurez appris avec nous le minimum, il n'y aura plus de problème. Now, part of the London theme that we're doing this month is because we started a new feature on Frenchpod.com of groups, where you can find other people in your area, for example, that are learning French through Frenchpod. Bien sûr, ou bien si vous voulez partager un sujet, ou discuter d'un thème, vous pouvez vous inscrire sur ces groupes. Right. You can even start a group of people who are looking to buy houses in France. Maybe you could share some information. So. Toutes les idées sont bienvenues. Yeah, so come check it out. It's Frenchpod.com. Okay. Sur ce, merci beaucoup et au revoir à tous. Merci, au revoir.